La 7e foire internationale de Lassonne est ouverte le 7 à la ville de Lassonne en présence des cadres intéressés, des habitants ainsi que des délégués et des producteurs de divers pays et des industriels étrangers en mission dans la zone économique et commerciale de Lassonne. Les orateurs ont dit que cette exposition sera une occasion importante pour encourager l'amitié et l'unité entre les pays et développer davantage les échanges économiques et commerciaux. Y sont exposés des machines et des échantillons de l'industrie légère, de la chimie, électrique et électronique, des matériels de construction, des produits alimentaires et des articles d'usage courant, des médicaments et des véhicules de plus de 110 compagnies de la Corée et de divers pays du monde. Ce jour-là, un banquet a eu lieu après l'ouverture de la foire.